Quelques grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Calo, 43 ans, qui est assistante export et qui réside à Saint-Denis. Bonsoir Calo. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Merci de nous faire le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Alors, tu es assistante export. En quoi consiste, en quelques mots, ce métier? Alors, c'est l'exportation des biens vers l'étranger, en fait. Oui. Des biens, ça peut être... Donc, moi, en général, je travaille plus dans tout ce qui est pharmaceutique ou dans le domaine du médical. D'accord. Donc, j'exporte dans tous les pays du monde entier. Ça fait longtemps que tu fais ce métier? Eh bien, c'est ma formation de base. Donc, c'est ma formation de base. J'ai étudié le commerce international. Oui. Et je n'ai pas tout de suite travaillé dessus. J'ai travaillé durant pratiquement 10 ans chez SFR. Ah bon? En tant que chargée de relations distribution, oui. D'accord. Et après, j'ai voulu en fait retourner dans mon domaine de prédilection, on va dire. Et je suis partie faire des études. Oui. Je suis partie faire des études après, j'ai validé, on va dire, un master en commerce international et je suis retournée dans mon domaine. Tu parles de domaine de prédilection, c'est que tu t'y plais alors, maintenant? Ah oui, ça a toujours été dans ce domaine que je voulais travailler. Ça a toujours été, je me suis voilée la face, mais on va dire, j'ai pas trouvé du travail tout de suite après la sortie de mon BTS. Oui. Donc, je me suis retrouvée dans un secteur qui de base n'était pas celui que je voulais faire, mais... J'ai beaucoup aimé aussi travailler dans la téléphonie, mais je ressentais toujours le besoin de retourner dans le commerce international. Donc, j'ai fini par y retourner. Et j'y suis, et j'y aime, et je vais y rester. Tu nous montres quelque part que lorsque quelque chose est fait pour nous, on finit toujours par le retrouver. Et qu'en France, comme on l'a souvent dit, il y a cette opportunité de faire des études, quel que soit l'âge. Et ça, c'est tout top. Tout à fait. J'ai repris mes études en plus, peu de temps après avoir accouché de mes jumelles. Donc, je peux te dire qu'il y avait... J'avais du boulot à la maison. Ah oui, waouh! Avec de la volonté, on y arrive toujours. Quand on veut, on peut. Ah, mais c'est clair, parce que félicitations, ouais. Parce que déjà, reprendre ses études avec un enfant, c'est compliqué, mais alors avec deux, c'est waouh! Wow. J'en avais quatre en charge avec les jumelles. Ah oui? Donc, doublement bravo, toutes les mères reconnaîtront la prouesse que tu as effectuée. Et tu résides à Saint-Denis, sais-tu comment on appelle les habitants de cette ville? On les appelle les Tunisiens. Oui, tout à fait. Ça, je le sais par rapport à un épisode précédent et j'avais trouvé ça vraiment très joli. Oui, après, je ne suis pas de Saint-Denis de base. Ouais. On va dire que c'est ma ville d'adoption. D'accord. Moi, je viens de la province dans le 80, Amiens. Ah oui, donc ça a dû te changer. Oui, ça m'a changé. C'est deux mondes totalement différents. Mais je m'y plais. Je m'y plais dans la région parisienne. Ah, c'est l'essentiel. Et est-ce que le bonheur que tu vas nous partager a un lien avec soit Saint-Denis, soit ton emploi de prédilection, ton métier de prédilection, ou pas du tout? Non, pas du tout. Enfin, on pourrait dire oui. Mon métier, quand je fais ce métier, c'est juste je suis contente. J'aime travailler dans le commerce international. C'est un de mes bonheurs, mais bon, je pense pas que... Enfin, le travail reste le travail. Oui. Ça va pas... C'est pas le bonheur total non plus, quoi. C'est un travail et je m'y plais. Après, sans plus, mais le bonheur, c'est d'être maman, d'avoir mes enfants. Oui. Qui me donnent la joie de vivre au quotidien. Malgré que ça peut être dur des fois, parce que j'en ai quatre à ma charge, à ma décharge. Mais c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Les voir grandir en bonne santé, c'est ça mon bonheur, en fait. Oui, déjà, lorsque tu l'as dit, on a senti le sourire venir sur le bout de tes lèvres. Et alors, dis-nous-en un peu plus sur tes enfants. Tu nous as parlé des jumelles. Tes enfants, quel âge Alors, j'ai un grand garçon, un adolescent qui a 16 ans, Noah. Oui. Et j'ai une fille qui est derrière, qui s'appelle Kezia, qui, elle, a 12 ans. Oui. Et mes petites jumelles qui ont 5 ans. Donc, j'étais partie sur... Je voulais avoir 3 enfants, mais le bon Dieu en a décidé autrement. Et c'est avec plaisir que j'accepte ça. Franchement, c'est que du bonheur. C'est très dur d'avoir des jumeaux. Je ne ferai pas dire le contraire. Mais oui. c'est une fois ils ont commencé à grandir, une fois tout ça est passé, ben, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Oui, on l'entend en tout cas dans ta voix. Et est-ce que le bonheur était le même à chaque enfant? Il était différent? C'était une découverte? Parce qu'on dit qu'à chaque enfant, comme il a une personnalité différente, c'est comme si c'était un nouveau départ. Est-ce que c'est le cas? Non, chaque enfant, chaque grossesse était vraiment différent. Chaque enfant a apporté son petit grain de bonheur. Oui. Bon, le premier, c'est toujours on est joyeux, on est content. C'est notre punaise de vie, on ne voit qu'à travers lui en fait. Oui. Le premier, on vit avec lui, on est accroché à lui. Je pense que, à force, je pense que, ouais, en plus, il est resté quand même assez longtemps, il est resté 4 ans et demi tout seul. Oui. Donc, c'était sa maman. Personne n'avait le droit de notamment toucher à mes affaires. Il était très jaloux. Et même l'arrivée de sa sœur a été un peu difficile pour lui. Et avec le temps, il a accepté. Et la deuxième, oui, c'était justement, je me suis dit, j'ai un garçon, et là, j'ai une fille, c'était que du bonheur, en fait. J'étais content, je me suis dit, bah, le choix du roi, un garçon et une fille. Exactement. C'était tout, donc c'était un autre bonheur, c'était un bonheur encore plus, puisque je voulais une fille, et j'ai eu la fille. Et donc, des petites robes par-ci, par-là, donc, non, c'était agréable. Et après, les jumelles, c'est une autre histoire. Vous attendez à un, et on vous annonce deux. D'abord, c'était le choc. C'était le choc de savoir que j'ai deux bébés dans le ventre qui vont grandir en moi. Et par la suite, j'ai accepté. Et puis, elles sont arrivées au monde, on va dire, assez tôt, mais bien. Mais c'était que du bonheur. Et franchement, chaque grossesse, chaque enfant a su m'apporter, en fait, son petit grain de bonheur. Tu as parlé de l'aspect par rapport à la grossesse, à l'accouchement. Mais dans le quotidien, en quoi est-ce que ces enfants, chacun à leur manière, t'apportent du bonheur? Par exemple, les jumelles, quand je rentre, en fait, elles sont totalement différentes. Il y en a une qui va prendre soin de moi comme une adulte. Oui. Et ça m'impressionne, en fait. Moi, tu vas bien, c'est au travail, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux manger? En fait, elle veut s'occuper de moi comme si c'était la mère. Et je vois mon fils qui grandit, qui ne cesse de grandir. En fait, j'ai du mal, en fait. Après, je me dis, mais oui, en France, on vole de ses propres ailes. Oui, surtout que c'était le premier. Oui, c'est le premier. Et il reste toujours attentionné. Même si, bon, ça reste un adolescent, hein. Il y a des petits conflits des mamans, mais il est là. Il est poli. J'essaie d'éduquer mes enfants dans le respect total, en fait. Notamment oui. Envers les adultes, les aînés. Donc, ça, c'est quelque chose de gagné, déjà. Et ben, là, ça fait mon bonheur. Je me dis, j'ai réussi une chose dans l'éducation, en fait. C'est vraiment qu'ils soient respectueux, qu'ils respectent les aînés, c'est très important chez nous, notamment. Mm-hmm. Et qu'ils se respectent, notamment, entre eux. Ils se respectent entre eux. Donc, c'est ce qu'elle essaie aussi de répéter. Une des jumelles, quand on faut demander pardon, quand on fait du mal à quelqu'un, donc ça me fait rire, en fait. Je rigole au quotidien avec eux. Je rigole au quotidien. Je m'ennuie pas chez moi. Chacun a son petit truc qui me plaît, qui me fait rire. C'est vraiment super comme bonheur parce que parfois quand on a beaucoup d'enfants, on peut se trouver noyé parce que déjà avec le quotidien du travail et tout ce temps qu'on prend ailleurs finalement, parce que bon, déjà au travail on est 80% de son temps et tout, quand on arrive on n'est pas forcément disposé, on n'est pas forcément dans des bonnes... Voilà. On est fatigué, on a envie de se poser. Exactement. Moi, c'est mon bonheur. Quand voilà. Je rentre chez moi, je le retrouve. Crie un peu comme toutes les mamans. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Mais quand je me pose, oh maman, tu t'énerves. Oh, là, je le regarde, je dis, mais en fait, c'est beau, c'est bien d'être à la maison, de les voir. Ils sont là, ils sont à la maison, quoi. Pas dehors, enfin, notamment mon fils, parce qu'on n'habite pas dans des... Enfin, j'habite pas dans une ville aussi qui est plutôt calme. Fait que dans un coin, on va dire, plutôt ça va, ça se passe bien. Oui. Il y a toujours cette peur, là, de dire que quand on a des adolescents, on a peur qu'ils traînent dehors, tout ça. Et ce côté-là, en fait, je ne le vis pas encore. Et je crois que je dois ne pas le vivre. Et du coup, ça fait partie. Enfin, je me dis, c'est une grâce, donc ça constitue un bonheur, tout ça. C'est super que tu le montres, parce que parfois, c'est tellement acquis, les enfants qui sont là, comme, je ne vais pas dire comme les meubles, mais bon, ça fait partie du quotidien et on ne voit plus... vraiment l'opportunité que c'est de les avoir, et ça, toi, tu en prends conscience chaque jour sans te bercer d'illusions, parce que bien sûr, tu parles du fait que voilà, de ce côté-là, je suis totalement consciente. Hein. C'est il n'est pas donné à... Enfin, il y a tellement de femmes qui voudraient avoir des enfants qui n'arrivent pas à en avoir. Et c'est vrai que des fois, on me dit, t'as 4 enfants, tu peux en faire encore d'autres. J'ai dit, non, franchement. Le bon Dieu m'a béni avec les 4 qu'il en donne à d'autres femmes. C'est pas que j'en veux plus, mais je veux dire, il y a tellement de femmes dans notre entourage ou dans d'autres milieux qui aimeraient avoir des enfants qui n'en ont pas. Oui. Et moi, j'ai cette opportunité d'en avoir 4. Oui, et en plus, de toute façon, lorsqu'on a des enfants et qu'on veut bien s'en occuper, il faut leur accorder le temps nécessaire et peut-être en avoir plus, ce serait perdre en qualité. Oui, exactement, oui. Ouais. Exactement, mais bon, à partir du moment où on a des enfants, faut prendre conscience, en fait, de la chance qu'on a, on va dire. Oui. De la chance qu'on a, parce qu'il y en a qui aimeraient en avoir, mais qui n'ont pas cette opportunité. Exactement. Il faut prendre conscience. Je pense qu'en soi, même si on est malheureux ou quoi que ce soit dans la vie, ça, pour moi, constitue quand même une source de bonheur. Le bonheur, il réside déjà de là. En tant que femme, quand on est épanoui, c'est bien, mais en tant que femme et mère à la fois, c'est vraiment un vrai bonheur qu'il faut prendre conscience. Les femmes qui sont dans cette situation, elles devraient prendre conscience. Après, c'est pas facile. Hein. C'est pas au quotidien, on va dire que tout est beau, tout est rose, mais... Quand on se pose et qu'on prend un petit temps de réflexion, on se dit oui, j'ai de la chance en fait. Et ça, c'est que du bonheur. Oui. C'est du bonheur. Et en plus, j'aime aussi un autre aspect que tu as souligné, c'est bien sûr, on n'élève pas, on n'éduque pas un enfant pour avoir un retour, mais quelque part, toi, tu l'as parce que tu as parlé de certains de tes enfants qui veulent prendre soin de toi aussi, comme s'ils voulaient te rendre sur ce que tu leur donnes. Exactement, j'en ai une dans le lot comme ça. Voilà, des moments de fou rire que vous pouvez avoir, ou bien des valeurs que tu essayes de leur transmettre et finalement qu'ils te rendent aussi. Et ça, c'est important. Ouais, on dit que les enfants sont des ingrats. Mais sur le coup, il faut vivre avec eux intensément, tout ce qu'ils nous donnent, tout ce qu'on partage avec eux. C'est vraiment le bonheur en soi. On a cette chance, en fait. Oui, exactement. Ça résume assez bien ce que tu as dit. C'est vivre l'instant, finalement. C'est vivre l'instant en relativisant. Bah, parce que, comme tu l'as dit, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Hein, on le sait bien. Les moments, parfois, sont surmenés, surchargés. Et oui. C'est essayer de relativiser vraiment, de vivre l'instant, de voir l'opportunité vraiment que c'est d'être avec eux. Ouais. Et puis là, on prendra conscience, en fait, de tout ce qu'on a qui est bien et qui n'est pas bien, quoi. Faut pas se lamenter, faut pas pleurer, mais après, encore une fois, je peux comprendre que certaines personnes, ça peut être difficile ou quoi que ce soit. Enfin, les situations ne sont pas totalement identiques pour tous. Oui. Mais en ce qui me concerne, c'est comme ça que je vois les choses, en fait. Je relativise souvent, je me pose, je me dis, je suis là, je vis, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, mes parents, donc que demande tous, en fait. Oui, voilà. Et ils sont tous plus ou moins en bonne santé, donc ça, c'est déjà un grand bonheur. Parce que être éloigné ou perdre des gens qu'on aime, ça nous met dans des états pas possibles. Et quand on les a auprès de soi et qu'ils sont en plus en bonne santé, il faut juste être heureux et dire que voilà, on est heureux, tout simplement. Juste le sourire d'un enfant, ça peut constituer un bonheur pour toi. Tu vois. Oui. Je le vois sourire parce qu'il était malade, parce qu'il n'arrivait pas à bouger de son lit parce qu'il était vraiment très, très malade. Le fait de le voir sourire, le fait de le voir grandir. Parce que je te disais tout à l'heure par rapport à mes jumelles, le fait de les voir grandir, c'est vraiment c'est une grâce. Ça constitue le bonheur en soi, en fait. Oui. Au-delà de mes deux grands, tes jumelles, je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à. Enfin, on pourra me demander qu'est-ce qui s'est passé avec elles, mais c'est des battantes. Et donc, tous les jours, elles me font prendre conscience de la vie, en fait. Wow. De la vie, il faut la vivre. Il faut la vivre et puis il ne faut pas se prendre la tête. Waouh, bah c'est magnifique, oui, vraiment. Il s'agit de ça, finalement, dans ton bonheur, de relativiser, d'apprécier ce qu'on a à sa juste valeur, de prendre le temps d'apprécier ce qu'on a, de prendre le temps de jauger ce qu'on a. Et parce que, comme tu l'as dit, ton fils grandit vite. Et Louis, les enfants grandissent très vite et parfois on se retourne et on se dit « Ah, c'est déjà fini !» Bah, merci, en tout cas. Merci pour cette vision des choses. Merci pour de nous avoir fait part de ce pan qu'on ne voit pas forcément pareil. Et comme tu l'as dit si bien, c'est pas pour donner de leçons à qui que ce soit. Toi, tu parles vraiment de ton bonheur. Toutes les situations ne sont pas pareilles. Mais ça inspirera certaines personnes, hein, peut-être, à te suivre et à voir les choses autrement. Donc, je te remercie vraiment pour ça. Non, je t'en prie, avec plaisir. Oui, je te souhaite en tout cas de prendre soin de tes quatre beaux enfants qui te procurent toujours autant de joie, de leur père aussi, hein, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais je suppose qu'ils participent aussi à tout ce bonheur. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y contribue, il y participe, et il en est même l'auteur, même d'ailleurs. Waouh! L'auteur, bien entendu. Mais en tout cas, prenez soin, grand soin de vous. N'hésite pas à revenir dans une prochaine émission. Si tu veux partager un autre bonheur, ce sera avec une grande joie que je te recevrai de nouveau. Pas de souci, je suis disponible quand tu veux. Je suis là. Merci. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur, aussi léger soit-il, n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur.